Quand l'erreur vient dans le secret, quand le cœur chute sans le vouloir, l'Éternel ouvre un chemin de paix. Même au milieu du désespoir, si le prêtre tombe devant la loi, s'il entraîne le peuple avec lui, il s'avance avec un cœur en émoi et le sang parle pour la vie. Devant l'autel, le feu reprend, l'agneau meurt. Amis au